Chapitre 6. On sait assez bien comment naît l'amour. On ne sait pas du tout comment naît la sympathie. Il est à peu près impossible de saisir les fils déliés et complexes qui rapprochent soudain deux cœurs et deux esprits dans ce sentiment bizarre. Quoique l'attrait féminin n'y nuise pas, il n'y est pourtant pas indispensable, puisque la sympathie se rencontre souvent entre des personnes du même sexe, et qu'elle ne s'effraie pas des cheveux blancs. Cette entente subite, qui s'établit entre deux êtres presque inconnus l'un à l'autre, cette vivacité d'impressions échangées, cette bonne intelligence mutuelle des regards, cette facilité d'expansion et ce besoin de confidence, dans quel secret rapport d'idées, de goûts, de qualités ou de défauts, doit-on en chercher la cause subtile? Nous l'ignorons. Mais ce sentiment indéfinissable, on a compris que Jacques de Lerne l'éprouvait pour Jeanne de Morescamps, et que Jeanne, après leur entretien confidentiel, n'était pas loin de le partager. Quoique séparés en apparence par des abîmes, ce libertin blasé et cette jeune femme sans tache s'entendaient déjà à demi-mot. Malgré tant de différences entre eux, ils sentaient qu'ils avaient un fond commun qui les disposait aux mêmes impressions, aux mêmes jugements, aux mêmes épreuves de la vie, aux mêmes joies et aux mêmes douleurs. Ces rencontres sympathiques sont les bonnes fortunes de la vie mondaine. Dans la mobilité et dans l'étendue des relations parisiennes, elles ne durent souvent que l'espace d'un dîner ou d'une soirée. On se plaît, on s'exalte ensemble, on se confie ses secrets, on s'aime presque, et l'on ne se revoit plus que l'année suivante. C'est à recommencer. Mais, entre Madame de Morescamps et Jacques de Lerne, il n'en pouvait être ainsi. Ils étaient du même monde et de la même intimité, et nécessairement destinés à reprendre à bref délai la suite de leur conversation suspendue. Monsieur de Lerne, d'ailleurs, après y avoir rêvé pendant deux ou trois jours, se dit qu'il devait une visite à Madame de Morescamps. Pourquoi voulait-elle le marier? Quel était ce mystère? En tout cas, c'était une marque d'intérêt personnel qui valait une politesse et un remerciement.